Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. La chronique ton plat favori de Stéphanie Gagné. Et la capsule humoristique Vidon la droite question de Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Tout ça et plus encore à Assemblage Requis. Et comme si on s'était pas quitté du tout, bienvenue à Assemblage Requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Ça va toujours bien? Ben oui, toujours. Comme il y a trois minutes. Et voilà, tout va toujours très très bien ici. Bienvenue dans cette émission du retour, oui. Aujourd'hui, plan quand même assez sympathique, je dirais. Hein? Oui, comme à tous les jeudis, on rigole un peu avec les gars David Donardon de la question, avec un extrait d'un sketch qu'on peut pas encore dévoiler, c'est un secret. C'est ça, on peut pas le dire à personne. On va aussi recevoir Stéphanie Gagné. Oui, Stéphanie Gagné avec sa nouvelle chronique. En fait, c'est la deuxième semaine qu'on a la chance de recevoir Stéphanie Gagné pour sa chronique « Ton plat favori ». On a vraiment hâte cette semaine, ça va être très spécial. Oui, c'est très spécial. Aujourd'hui, on a hâte parce qu'elle va nous raconter en fait son expérience qu'elle a vécue cette semaine à un spectacle de Tegan and Sarah. VIP, son affaire, wow! Donc, on n'en dit pas plus pour l'instant. Elle va nous raconter ça tantôt. C'est aux alentours de 16h30. Donc, restez avec nous pour ça. Il va y avoir plein d'autres choses aussi, de la bonne musique, soit qui provient des palmarès ou soit qui ne provient pas des palmarès. C'est pas mal les deux options. C'est Ouh, on commence avec une pièce qui n'est plus dans le palmarès. Elle vient de le quitter. C'est Miraculous par Further Steps. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Later, later, later. repeat it. On est toujours à l'émission Assemblage Rocky sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. On vient d'entendre la pièce titre de l'album du groupe Two Hours Traffic. Donc, la pièce à l'album s'appelle Territory. Oui, on sait que la pièce Noisemaker est présentement sur le palmarès anglophone. Exactement. Et Mathieu, est-ce que tu sais ce qui se passe ce soir à l'Université Laval à Québec? Je sais pas, je vais me lancer sur un guest total genre le lancement de la programmation de Cheese. Ah wow, t'es donc bien bon. vraiment un spectacle hallucinant, j'en ai déjà parlé. Je pense ici il va y avoir entre autres Cougaret qui vont être là-bas. Il va aussi avoir Winter Gloves, il va aussi avoir Clues. Et on va écouter, on va faire un petit bloc finalement dédié à notre station cousine. Ouais, je pense nos collègues, comme ça, qu'on ouais. pourrait dire. Mm-hmm. Ouais. La station donc de l'Université Laval à Québec, Chiz. L'équivalent de C'est Fou, donc. Exactement, donc on va commencer avec, avec du Cougaret. Il va y avoir aussi du Winter Gloves là-dedans. On écoute la pièce Barcel de Cougaret tout de suite à Assemblage Rocky. We'll be right back. purpose on my way back, I will follow. Yeah. C'est le groupe Clues avec la pièce Perfect Fit. Et comme on le disait tantôt, ils font partie du spectacle de lancement de la programmation d'hiver de Shiz 94.3 à Québec. Et tantôt, Maxime, le mieux l'aramé, est venu nous agacer en disant « Ah, oh, je vais peut-être aller, je vais aller faire un tour. » Il est tellement fendant, de toute façon. Quelle agace, quand même. Non, mais c'est vraiment un super de bon spectacle qu'on aimerait vraiment voir avec Cougarette, Think About Life, Clues et Winter Gloves. Vraiment tout un line-up pour ce spectacle. Super. Mais on ne sera pas là. Ben non. Et non, peut-être Maxime va être là. Si là, j'espère qu'il va nous en parler lundi. Faudrait bien. J'espère. Ben oui. On retourne en musique tout de suite. C'est vraiment une super altération. Genre de « Ouais, ben oui. Ah, ben oui. Ah, t'as raison. » Fait que, hein, c'est ça. Fait que c'est ça. Hein? Ouais. Quoi d'autre? On retourne en musique. OK. OK. C'est quoi le prochain bloc? C'est un bloc avec un petit peu de Dead Cab for Cutie. On ressort ça des Boulamites une fois de temps en temps. Ouais, l'album Plans, hein, qui date de quand même assez longtemps, qui date de 2005. On l'adore tous les deux. Très bon album. Donc, on va écouter la pièce Marching Bands of Manhattan du groupe Dead Cab for Cutie tout de suite à Assemblage Rookie. Je te fais danser. Monogrenade avec la pièce Ce soir à Assemblage Rocky sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Juste avant ça, c'était Antoine Corriveau avec la pièce Distance Usuelle, une pièce qui est disponible en téléchargement que Antoine vous offre gratuitement si vous allez faire un tour au antoinecorriveau.com. On continue tout de suite en musique avec le groupe franco-new-yorkais Nous Non Plus et la fille, la pièce Fille Atomique à Assemblage Rocky. Chérie, je vais t'expliquer. Si je décide que tu me plais, j'y vais direct sans hésiter. Je te dis comment ça se fait. Moi j'ai plus le tout dans mon sac. Je suis toujours prête à l'attaque. Si tu fais pas gaffe, watch your back. Je vais te mettre le cœur en vrac. Je suis la fille atomique. Attention quand je rappelle. Je suis la fille atomique. Attention, mes mains. Panique. Je suis la reine de la dynamite. C'est toi que je veux et tout de suite. Je lance la plus grande poursuite pour te faire exploser là. Tout le du monde ne le fera pas. Un jour on nous retrouvera. Carbonisé dans tous nos états, je t'aurais aimé plus que moi. Je suis la fille atomique. Attention quand je replique. Je suis la fille atomique. Attention, mes mecs, panique. Weekend et White Sky. Oui, on vient d'entendre cette merveilleuse pièce à assemblage requis. Et Mathieu, on est jeudi. Oui, la date, je te suis. T'es d'accord avec ça? Oui. On fait quelque chose à tous les jeudis. Oui, ouais, mais peut-être pas à radio. Parle-en pas à radio. C'est la journée de l'épicerie. Hey! Donc, on va aller faire l'épicerie. Cool. Non, c'est l'heure d'aller écouter une capsule de Vidéo dans la question. Non, tu pensais que ça arrivait comme ça? Ben, bing, je vais bang. Avoir la surprise. Hein? Ouais. Attention, c'est l'heure de quoi donc? Vidons-la dans la question. Bienvenue à votre émission. Anime Ami. Bonjour tout le monde. Mon nom est Guy Fournier et j'anime Anime Ami. Hein? On le sait, les animaux sont nos amis. Alors, on a fait une fine contraction là, des deux mots, là, amis et animaux, si bien que les résultats en est anime, ami. Hein? Et si on est ici, c'est pour notre amour des animaux, ces compagnons qui nous apportent tant de bien-être à nous, êtres humains. Alors, au courant de l'émission, on pourra constater ensemble les bienfaits de la zoothérapie sur différentes personnes. On a ici Mme Clouade qui a 95 ans. Ça va bien, Mme Clouade? Non! Ça va pas bien! Mais qu'est-ce qui se passe, là? Je vaux plus rien, Monsieur Fournier, puis je sens que je suis plus bonne à rien, puis ma famille vient plus me voir, puis personne s'occupe de moi! Donc, pour aider là, Mme Clouade à reprendre confiance en elle-même... Les gardes malades, ils prennent pour moins que rien. Là, pour aider Mme Clouade à reprendre confiance en elle-même, on va lui faire flatter un gros, gros porc. Ah, faites rentrer le porc, s'il vous plaît. Là. Ah, allez-y. Oh, là. Les béliers! Viens ici! Et là, observez la magie de la zoothérapie sur Mme Clouard. Ah oui, oh, celui-là, le bois, là, ça va faire! Le bois, il me laisserait plus marcher ses pieds! Puis moi, là, je dire ma façon de penser! Parce que moi, M. Fournier, j'ai un très, très, très gros orgueil. Bravo. Vous m'entendez? Bravo, c'est merveilleux de voir ça. Écoutez, grâce à la magie de la zoothérapie, une pauvre vieille peut enfin devenir une vieille crisse. Si je peux dire, ça n'est qu'une blague. Alors, il existe toutes sortes d'applications possibles à la zoothérapie. Ah, prenez par exemple cet homme qui a perdu, oh, quel outrage, sa libido. Hein? Alors, pour lui redonner sa libido, on va lui faire caresser Julie, hein, une truite qui a plusieurs années de zoothérapie derrière la cravate. Bonjour! Bon, c'est quoi cette bébête-là? C'est une truite? Un poisson. C'est ça. Tu veux que je touche à un poisson? Vas-y, allez-y, laissez-vous apprivoiser. OK, là. OK. Hey, c'est plus doux qu'on pense, hein? C'est glissant, hein? Hey, c'est lisse, hein? Mm-hmm. Hey, c'est gluant un peu, hein? Mais c'est pas dégueu, hein? Non, pas trop. Hey, c'est gluant cool, genre, hein? Mm-hmm. Oh, hein, Julie? Incroyable. Ah, la truite, hein, Julie? Ah! Oh, regardez-le, hein? Regardez-le! Ah, mon Dieu, gluant le fort! Oh, c'est le fun! J'ai cru qu'il a un petit semi, là, on peut observer. Ah, hey, tout un semi, oh boy! Mon Dieu, je suis guéri, moi! Bravo, bravo, grâce à la magie de la zoothérapie! C'est incroyable! Et maintenant, on va voir aussi que les animaux peuvent servir d'excellents confidents dans des cas très extrême, comme pour ce prisonnier, Ronnie Jointure de la Chenelière, qui a un comportement assez asocial. Et on le voit ici en grande conversation avec Bébert, un adorable mouton. Hein? On entend ici Ronnie Jointure. Toujours dit, man, comment tu sais? J'ai toujours été un tough, moi, Bébert, c'est. Il m'a dit une affaire. Bébé, j'ai jamais dit à personne avant. Toi, t'es un esti de bon gars, toi, bébé. Ton. C'est pas drôle! On va pas aller trop loin dans leur intimité. Oui, on va les laisser en conversation. Là. Et en attendant, on va aller entendre. Oui, c'est pas drôle, les fois. Ben là, le silence un peu, parce que là, on va aller entendre une chanson des... Il pleure. Adib Ami. De retour à Adib Ami, l'émission où les animaux sont nos amis. Et c'est formidable, on a vu en première partie là, des animaux qui ont redonné de la confiance à des gens qui semblaient là, désespérés. Et maintenant, écoutez, on va aller voir là que c'est très important dans la zoothérapie de toujours associer le bon animal avec la bonne personne. Hein. Évidemment, on n'arrive pas là dans un pénitencier avec un paquet de perruches. Hein. On donne des exemples, un des exemples parfaits de mariage réussi entre une personne et un animal. C'est le cas de ce fabuleux tigre du Bengale, Jacquard, hein, on l'entend ici, qui va venir aider le petit Isaac, qui est atteint du syndrome de la Tourette. Non, moi, c'est Isaac. Fucking shithole cock, bitch cock! C'est difficile à gérer. Les beaux gros tattoos! Fuck, cunt, whore, bitch! Bitch, fuck! Et je peux flatter lui? Tu peux y aller, vas-y, va. Bitch, whore, cunt, ass! Oh, il est doux, ass, bitch! Il est très doux. Il est gentil, bitch! Yes, you're nice, ain't you? Oh, good little boy. Tu aimes faire flatter le ventre, you go with you. Would you go, wow, you like le ventre, eh? Vous avez entendu, c'est incroyable. Il s'est calmé, hein? Grâce à Jacquard, le tigre du Bengale. Et également, on peut aussi, là, grâce au contact animal, aider des personnes Alzheimer. Hein? C'est parce que là, ils sont appelés pour... ils sont venus pour les faire, parce qu'ils étaient pour... parce qu'ils font ça, c'est parce que... c'est parce que là, ils étaient pour... les personnes Alzheimer qui commencent une phrase et qui savent plus trop comment la finir, il y a moyen de les aider en leur donnant un bébé ours dans les bras. Ça, là, c'est parce qu'ils sont venus pour les faire, qu'ils sont venus pour les... Ils sont venus pour les faire une belle surprise pour sa fête à 40 ans. Ma nièce à 40 ans, c'est un bel âge, hein, Guy? C'est, vous voyez, c'est incroyable. Il a terminé sa phrase grâce au bébé ours. Hein? Et finalement, on a un dernier invité ici à Animami. Et c'est Joey Paul. Comment ça va, Joey? Ça va mal. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Ben, ça va pas bien, Guy Fournier. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a, là? On dirait que j'ai toutes les articulations qui veulent lâcher. Ben, écoute... Comme épris d'une grande lassitude. Ben, écoute, on va te donner dans les bras un perroquet. Voici le perroquet, ici. Hein? Et on va te voir l'effet que ça te fait. Un perroquet! Qu'est-ce que ça fait? Oh, wow! Ça me rappelle la sacoche de Yuriane. La sacoche? Yuriane! Vous voyez ici la zoothérapie. La zoothérapie libère beaucoup d'émotions et de souvenirs à Joe et Paul. C'est bon. On aimerait savoir qui est Yuriane. Mon ex-épouse. Je m'étais marié à Vegas avec Yuriane, moi, Guy Fournier. Guy Fournier, proc! Mon mariage avant que le malheur s'abatte sur moi. Bon. Mais écoute, on peut croire que Joe et Paul vont retrouver le bonheur. Non, je ne le retrouverai pas, moi. Je suis fini, moi. Mais oui. En tout cas, perroquet. C'était tout pour aujourd'hui pour le segment Animami avec nos amis les animaux. Quittons-la dans la question. Anime Ami. On dirait que ça a été dur, hein? Ça a été une capture dure à faire. Il rit tout le long, hein, je pense. Ouais. Ça leur tendait pas de la refaire. T'sais. On dit non, mais c'est cool, en fait, qu'on les entendrait tout le temps. Ouais, ça peut pas être plus drôle que ça, je pense. C'est ça, mes préférés. Ça, c'est Anime Ami avec Guy Fournier. Guy Fournier. C'était une autre capsule humoristique des gars de Vidon Ladon la question. C'est Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault. Allez voir Vidon Ladon sans le C.com, VidonLadon.com pour en savoir plus sur ces deux imbéciles. Et on va avoir une autre capsule dans la question jeudi prochain ici dans l'émission Assemblage Requis. Et à chaque semaine. Donc, Assemblage Requis qui se continue, qui se poursuit, mais qui va prendre une petite pause tranquillement, pas vite, là, pour aller embarquer dans une deuxième heure qui va inclure Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori. Aujourd'hui, elle nous parle, elle nous amène presque backstage avec Tegan and Sarah qu'elle est allée voir récemment. Ouais, j'ai hâte d'entendre cette histoire-là de Tegan and Sarah. Ah, assez... J'ai pas de mots pour ça. Ouais, c'est ça. Je pourrais en dire, mais je le dirai pas. Quand il y a pas de mots, il y en a pas. Donc, deuxième heure d'Assemblage Requis dans quelques minutes avec Kiwan et Mathieu. Restez là. C'est fou comme un loup, je dirais. Moi. Fou comme un loup. Un loup, ça pourrait être fou. Hey, t'as pas mis ton chalet avec un loup aujourd'hui, trois loups. Ben non, je le mets pas tous les jours quand ben, même. Pourquoi? C'est une très bonne question, ça. Des loups? T'as vraiment en acheté plusieurs pour en avoir un par jour à mettre. C'est comme les super-héros, là, tu sais, que tu vois qu'ils ont comme plusieurs fois le même costume dans leur garde-robe. Faudrait que je fasse le tour des aubaineries et villages des valeurs et tout ça pour pouvoir m'en trouver plusieurs modèles. Va chez Dolorama. Il va y avoir des loups dans le prochain bloc musical, mais on va commencer tout de suite avec OK Go, la pièce qui est sur le palmarès anglophone, This Too Pale Chasse. This Too Pale Chasse. This Too Shale Pass, c'est ça. OK. Pale Chasse. Non, c'est plein de chasse. Pale Chasse. Je pense que je suis dyslexique. I ever will. And the fire from my fingers. vous avez promis des loups. Voilà, c'était les loups. On avait-tu promis des loups? Oui, tantôt on parlait de loups et on avait dit qu'on inviterait des loups à l'émission. Je sais pas, j'écoute pas cette émission-là. Non, tu fais bien. Je boycotte. Je trouve que c'est complètement impertinent comme émission. Tu trouves? Oui. OK. Mais les animateurs sont extrêmement sexy. Mais c'est sûr que dans le même temps, t'as une part de responsabilité dans l'impertinence. Donc, je trouve ça bizarre que tu boycottes, en fait. Ben, je suis un gars qui est pas très logique. En fait, je suis un gars d'extrême, tu le sais. un gars d'extrême, c'est vrai. Ouais, extrême gauche, extrême droite en même temps. J'ai des opinions des deux côtés, complètement. Puis là, quand je parle, ben, des fois, c'est super intelligent. Des fois, c'est complètement idiot. Ah ouais, pour vrai. J'avais jamais vu ça comme ça. Ça a quand même pas de sens. Ouais. Je vais porter plus attention à l'avenir, vraiment, là. Tu devrais. Ouais. Il y a une partie que j'avais saisie, par contre. Il y avait un extrême que j'avais saisi. Laquelle? Je vais te laisser deviner. Les orteils. Une partie de tes deux extrêmes. La gauche? Je l'avais quand même saisi un peu, mais écoute, j'ai pas l'intention de te dire quoi faire, mais tu sais, je vais plutôt te demander d'y réfléchir par toi-même. OK. Donc, tu vas faire la réflexion, puis... Dans le coin, tu veux que je mette à genoux? Fais ta réflexion. Okay. Quand tu auras fini ta réflexion, on pourra en reparler. Et là, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, peut-être qu'on pourra aller prendre une crème glacée avec un loup, mais d'ici là, c'est pas défini encore. Est-ce que ça peut être comment t'appelles ça, un yogourt glacé? Ça pourrait effectivement être une paire de pantoufles, mais à condition que ce soit dans ton extrême dont on n'a pas parlé encore. Mon extrême religieux. Exactement. Ouais. Je sais pas si on pourrait vraiment ajouter plus de mots en ne disant encore plus rien. Ce serait vraiment difficile. Ça remplit un petit 3 minutes. Les mots quand même, hein? Tu sais, des mots. Ah, la puissance des mots, comme dirait... La puissance des mots. Ouais. Un mot vaut mille images, comme dirait l'autre. Ah oui? Ouais. Est-ce que tu voudrais qu'on retourne en musique? S'il te plaît, oui. Parce que je sens qu'il y a un petit malaise qui s'installe. Non. C'est pas que je suis mal à l'aise avec les malaises. Je suis très à l'aise avec les malaises. T'es à l'aise avec les malaises? Bien. Je suis très à l'aise, moi, dans le malaise. Moi, je suis en malaise avec l'aise. Mais je sens qu'il y a peut-être des gens qui sont moins à l'aise avec ça. Tu penses qu'on n'est pas en train de divertir les gens? Sûrement. Peut-être. C'est comme un concours entre nous deux. Quand on commence à ne pas parler, c'est comme l'orgueil qui embarque. C'est qui va parler en premier. C'est toujours toi. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que t'as vraiment un plus gros orgueil que moi. Et voilà. On devrait faire un concours, c'est un staring contest. C'est un concours, je te regarde dans les yeux. Et premier guéri. Tu t'es par la barbichette, non? Ouais, ben sans, c'était parce qu'on est un petit peu trop loin. Puis que t'as pas de barbichette. Aussi. C'est ça. Toi, t'as une belle barbichette. Hein. Quand t'auras atteint la puberté, peut-être qu'on pourra refaire ce jeu-là. Puis ce sera plus pertinent étant donné que tu vas avoir une barbichette. Quand j'ai mué, ça va être très beau. Ouais. Tu vois, c'est encore moi qui brise le silence. T'arrêtes pas, t'es vraiment... Vraiment, c'est définitif. Mathieu en a une plus grosse que moi. Oh! Orgueil. Un plus gros orgueil. Tu viens de me remettre graine de bœuf dans la tête. Graine de bœuf. Hey, en passant, hier, on parlait de... Quand on a diffusé, là, on revient dans le monde de la pertinence. Ouais, c'est ça, on arrête les malaises. Là. Mais hier, on passait une vidéo... on passait une pièce, en fait, des Incorrigibles. Ça s'appelait Graine de bœuf, exactement. C'était une très bonne pièce remplie de contenu. C'était vraiment super intéressant. Non, c'était très drôle. Mais en même temps qu'on passait, ben pas en même temps, là, mais à l'occasion de parler des Incorrigibles et des Incorrigibles.tv, le site qui n'existe toujours pas. Non, en passant. Ouais. On parlait justement que le Pat Laperrière... Un des trois gars derrière les Incorrigibles. Exactement. Avait promis de mettre le site en ligne. Et là, hier, on dit, il me semble qu'il avait dit qu'il se ferait brûler une couille dans un toaster si jamais son site n'était pas en ligne avant la fin de semaine. Et puis là, on avait dit ça. Puis au moment même où on le disait, il avait réagi sur Facebook. Il avait dit, hey, je vais le faire, votre vidéo, puis je vais vous l'envoyer. Vous allez voir. Il est là. Il a vraiment pas niaisé avec ça, là. Ce matin, je me suis levé un matin, puis la vidéo existait. Donc, il s'est vraiment brûlé un testicule dans son grille-pain. Et d'ailleurs, il nous invite à déjeuner mercredi prochain. C'est vrai, oui. Ouais. Je pense qu'il a dit qu'il allait laver son toaster. Oui, il a dit qu'il avait donné une bonne raison pour laver son toaster, mais... On va reparler avec lui la semaine prochaine, je crois. Oui, c'est ça. Puis en attendant, on peut suggérer aux gens d'aller voir la vidéo de la couille de Pat Laperrière. Allez pas sur le site lesincorrigibles.tv parce que vous le trouverez pas là, parce qu'il y a rien là-dessus. Effectivement. Allez sur la page Facebook, tapez les Incorrigibles. C'est avec un Z, les Incorrigibles. Ben, pas à la fin, au début, les Z. Et vous allez voir le testicule. Je sais pas si c'est le gauche ou le droit qui a brûlé. Il faudrait poser la question. Et tu viens d'éduquer les gens que c'est un testicule et non pas une testicule. Ouais, c'est vrai. C'est comme un trampoline et un trombone. Mm-hmm. Et un téléphone. Ouais, ben ça. Trampolement pour des épées non plus. Mais bon, on pourra lui demander, donc, quel testicule. Penses-tu que c'est son vrai testicule que Bruce? Je sais pas, il y a des prothèses, j'imagine. Des prothèses ou des orthèses de testicules, j'imagine. Ouais, je sais pas si Pat est du genre à porter une prothèse testiculaire. Ah. Ça, le seul moyen de savoir, je pense que c'est au toucher. Ouais. Puis moi, en même temps, je suis pas un grand expert en toucher testiculaire, fait que je sais pas si je verrais la différence, mais en même temps, je suis pas sûr si j'ai le goût de mettre ma main là non plus. Non. Non, en fait, je suis sûr. Ouais. Pas mal. Ouais. Pas mal ça. Hey, je pense qu'il est grand temps qu'on ait écouté une pièce. Ah, tu laisses même pas aller malaise. Ah, tu voulais qu'on fasse prolonger le silence. Ben oui. Je suis pas bon pour ça, prolonger les silences. Ben non. Tu veux tout le temps remplir la radio de bon contenu. C'est ça ton problème. Moi, je serais du genre, tu vois, là, à dire « J'ai goût qu'on parle. » Ouais, ce serait mon genre, je pense. On parlait de quoi? Parle-moi. Ah, Mathieu, parle-moi, on se parle plus. Ah, c'est vrai. Ça, ce serait mon genre, ça. Ouais. Tu serais plus du genre à t'endormir à la radio. M'endormir à la radio? Non, c'est vrai, c'est moi qui ai l'air endormi. Ah, c'est qui a dit ça? C'est Simon qui m'a dit qu'il avait l'air endormi. C'est vrai, c'est pas fin. Lui qui se lève à 5h puis il y a une nuit ici à 7h du matin, tu penses pas qu'il a l'air fatigué? Mais lui, peut-être qu'il l'est, mais il a pas l'air endormi. Non. Mais peut-être qu'il l'est pour vrai. Peut-être. Moi, c'est le contraire. Je le suis pas, mais j'ai l'air. Ouais. Ouais. Ben oui. Tu veux, je me suis forcé pour faire durer ma malaise et j'ai gagné. Ah, on l'a pas l'affaire. Hein? Hey, ça fait presque 10 minutes qu'on fait rien. Là, donc ça fait pas 10 minutes pour vrai. Non, ça fait 7 minutes. Caroline, c'est long ça. C'est long, 7 hey, minutes. C'est un long bout de radio ça. Tu imagines-tu les grandes gueules faire ça? Et... En fait, c'est plus le public. Bon. Donc, Lake of Stew, Lac de Ragout. Oui, on va l'écouter un extrait du palmarès anglophone, je pense, parce qu'on a vraiment, vraiment rien d'autre à faire aujourd'hui. Non, mais d'habitude, tu sais, quelqu'un qui viendrait de se joindre à l'émission, là, on peut peut-être dire que généralement, il y a du contenu dans l'émission, mais ouais. Aujourd'hui, il n'y en a pas. On est vos amis, on est là pour vous parler, puis vous mettre dans des situations cocasses. Là. Mais c'est pas vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contenu, ce serait pas fin pour Stéphanie qui s'en vient dans environ 10 minutes. Stéphanie Gagné va venir nous raconter son trip avec Tegan et Sarah. Oui. Et là, ça fait poser des questions aux gens, donc on va voir ce qu'il y en a. C'est ça. C'est comme c'est du contenu dans un contenant, et à l'intérieur du contenant, t'as ton plat favori. Ça sent bien. C'est le nom de la chronique, juste pour. Tout notre contenant, il y aurait comme un trou dedans. C'est pas moi. Ce qui fait que le contenu s'est échappé à quelque part, on l'a perdu. Ouais. Et on va le retrouver. Ben, c'est comme les nombreux plats, là, les petits plats plastiques. Là, souvent, le couvert tient pas. Dans un sac à lunch, là, c'est pas le fun. Puis là, tu mets ça dans ton armoire, puis là, tu sais jamais trop comment les placer. Puis finalement. Le quoi est jamais avec le contenant. Fait que là, tu peux jamais l'utiliser parce qu'à chaque fois que tu cherches, t'as tout le temps juste un des deux. Tu te dis, ah oui, ce contenant-là serait vraiment approprié pour mettre mon restant de ragoût. Mais là, tu trouves soit juste le couvert ou juste le contenant. Puis quand tu trouves deux qui marchent ensemble, c'est pas la bonne forme, puis ça rentre pas. Ton liquide, il y a trop de soupe, puis ça rentre pas dans ton plat parce que c'est tout ce que t'as trouvé. Ah non. Là, ma mère m'a acheté des lock and lock. Là, ça snap, là, puis c'est étanche. Elle m'a dit, fais attention de pas les perdre, ça vaut vraiment très cher. On a acheté tout le gros kit, là, au complet, avec à peu près 50 formats différents. Et puis, tu vois, je les ai perdus. Mais toi, t'as pas été t'acheter encore une tasse à café comme la mienne, là, que tu peux vraiment littéralement renverser à l'envers. Et puis vraiment, elle est terrible, ta tasse à café. Ça n'a pas de sens. Moi, j'en ai utilisé plein de sortes de tasses à café là, en travaillant, puis ça finit toujours par couler à quelque part, faire une flaque sur quelque chose. That one doesn't flaque. La tienne a vraiment l'air terrible. Voilà. Et y a-tu quelque chose dedans là, pendant que tu es en train de le secouer au-dessus de ton ordinateur? Excuse-moi, je suis pas dans le studio en train de faire ça du tout. Je suis pas non. Je suis clairement à l'extérieur du studio. Non, c'est de l'eau qu'il y a dedans, pour vrai. Et vraiment, à l'envers, avec ouais, de l'eau. Wow. Magique. Ouais. À quand notre émission, on va faire que des choses par rapport à des infos pubs? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Ben, une émission complète de 2 heures, disons, où on fait que parler de choses qui intéressent absolument personne. Sans musique. Aucune musique, même pas de fond. Finalement. 2 heures sans musique, puis pas de fond. Enlève le fond. Hey, ça serait fou. 2 heures, pas de fond. Ça ressemblerait un peu à Call TV. Okay. Mais même là, il y a de la musique. Ouais, puis les petits effets sonores. Ouais, puis la lumière, puis tout ça. Fait que ça serait encore pire, vraiment. Les belles filles aussi. Ouais. Ouais, ça serait tough. 2 heures comme ça. Ben, je sais pas. Moi, en tout cas, moi, 2 heures, moi, ça passe vite parce que quand je me mets à parler, vous l'avez vu, ça arrête pas bien. Mais moi, en même temps, là, moi, je suis vraiment un très bon auditeur de radio. J'écoute beaucoup, beaucoup de radio. Puis, tu vois, si je tombais là-dessus, j'écouterais parce que j'aurais tellement l'espoir qu'il y ait quelque chose un jour, qu'il y ait un dénouement, qu'il y ait un minimum d'informations ou de pertinence. Ben, c'est ce que le monde veut, faut pas se cacher. Donc, moi, je suis vraiment le genre de personne qui pourrait écouter deux personnes dire rien, comme on fait depuis maintenant presque 10 minutes. Ouais. Et vraiment, je le ferai pendant 2 heures pour finalement me rendre compte qu'il n'y a vraiment rien, puis j'ai vraiment perdu 2 heures. Bon. Mais je ne sais pas si je suis la seule personne au monde. Je le ferai à tous les jours. Ouais. Je me dis, je suis sûr qu'un jour, il va y avoir quelque chose de pertinent, donc je continue. Donc, est-ce qu'on fait ça pendant une semaine, à la place de juste 2 heures? Ouais, une semaine. Ouais, ouais. Ben, 4 jours, il y a juste 4 jours. Mais on n'a aucun moyen d'évaluer après ça s'il y a vraiment des gens un peu bizarres qui nous auraient écoutés pendant toute la semaine. Mais c'est qu'ils pourront pas en plus nous téléphoner parce qu'on va être en onde. Ils peuvent pas nous appeler pendant qu'on est en onde. Ouais, ouais. C'est ça, c'est vrai. Ouais. On pourra jamais dire appeler pendant la pièce étant donné qu'il n'y aura jamais de pièce. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas comment on va faire finalement. Ben, c'est un beau défi, je trouve, par exemple. Ouais. Ouais. Mais là, même, je te dirais, tu sais. Tant qu'à être rendu là, il reste juste 37 minutes à l'émission. Oui. On pourrait finir. Ah, tu vois, je sens que tu commences à être tanné. Oui, je sens que je suis pas seul. D'habitude, c'est toi qui t'offre le plus longtemps, puis là, tu vois, Ah, moi, je t'offrais. Ouais. Mais on va quand même aller écouter cette pièce. C'est pour le bienfait de la radio. Oui, pour le bienfait de la santé mentale de tous ceux qui nous écoutent. On va aller écouter cet extrait de l'album de Lake of Stew. L'album s'appelle Sweet as Pie. On va écouter la pièce Mean Shaken Mama tout de suite à Assemblage Rocky. Là. Ah, trop. C'est agressant, hein? La musique. akin to a chamber. Réduit en poussière pour un la jupe et la pièce Contrôle à Assemblage Rocky. Oui, et Mathieu. Q1. Depuis le début de l'émission, on n'arrête pas de parler qu'on va recevoir Stéphanie Gagné parce que tous les jeudis, tous les jeudis depuis la semaine passée et à l'avenir, tous les jeudis, même si la semaine passée, tu te dis en fait que tu n'étais pas sûr si tu voulais qu'elle revienne. Mais bon, finalement, on avait réglé la question. Donc, c'est officiel, Stéphanie Gagné va être ici à tous les jeudis à l'avenir. Et tantôt, un petit peu plus tôt dans l'émission, on a même dit qu'elle venait pour nous expliquer son trip avec Tegan et Sarah. Puis là, tu trouvais que c'était ambigu un peu comme affirmation. Ouais. Donc, finalement, elle va être ici elle-même pour nous expliquer ce qu'on a. Allô Stéphanie. Allô Mathieu Kiwan. Bienvenue encore. Comment sec ton thème, je trouve. Ah? Ouais, Kiwan, hein, après deux semaines, habitue-toi alors. Ma faute. Très beau thème pour la chronique, ton plat favori. On ouvre le plat. Ouais, alors cette semaine, très émotif, très personnel comme chronique. Comme vous l'avez dit au début de l'émission, j'ai été voir Tegan and Sarah à la Place des Arts, salle Wilfrid Pelletier, lundi passé. Et ce fut honnêtement la plus belle journée de ma vie. Vraiment. Wow. Plus belle journée de ma vie. Très, très, très... C'est pas peu dire. Oh non, non, c'était génial. Alors, j'avais déjà été les voir il y a un an et demi. J'avais été les voir à Worcester, à côté de Boston, un aller-retour assez intense pour aller les voir. Donc, je savais un peu à quoi m'attendre. Je savais qu'ils parlaient beaucoup, qu'il y avait beaucoup de chansons, etc. Et j'ai pas été déçue. C'était sold out. 3000 personnes environ qui rentrent dans la pièce. Et ils ont jasé beaucoup. Ils ont parlé de leur habitude de grand-mère, de leur grand-mère. Ils ont parlé du fait qu'ils mangeaient du Saint-Hubert. Mm-hmm. Ils ont parlé que Sarah était célibataire puis que Tegan essayait de la matcher avec n'importe qui dans la pièce. C'était vraiment drôle. Il y avait pas vraiment de mise en scène, ça je savais déjà, il y a juste des petits jeux de lumière, mais c'est assez simple. Et les chansons sont un peu bizarrement mélangées, mais au moins il y a beaucoup de chansons. Ils jouent tout l'album de Sainthood. J'ai calculé 7 chansons de The Con, 5 de So Jealous et 1 de If It Was You et 1 de Business of Art. Alors, ça fait presque 30 pièces. Là. 28. 28? Ouais, c'est beaucoup de stock. Ouais, en plus d'une chanson, je sais pas si vous savez, mais Tegan and Sarah avaient fait un projet avec Tiesto. Un petit projet électro. Alors, ils ont joué une chanson qu'ils avaient faite avec Tiesto, mais en version acoustique. Justement, le rappel était presque tout acoustique. Il y avait Back in Your Head acoustique, Feel It in My Bones, qui est la chanson avec Tiesto, My Number, Call It Off, tout en acoustique. Call It Off, c'était génial. Le monde se sont mis à se déjeuner un peu. Tout le monde chantait Call It Off. C'était vraiment beau comme moment. Et malheureusement, ils n'ont pas joué des vieilles chansons que moi j'aime bien de l'album Business of Art comme The First ou Superstar, mais je savais déjà que, comme admettons Radiohead, qui joue plus des vieilles chansons que tout le monde aimait, bien Tegan and Sarah joue plus vraiment des vieilles chansons parce qu'ils ne les aiment plus. Et bon, pour arriver au moment crucial. Ouais, parce que là, à date, t'as pas encore dit quelque chose qui méritait de faire de cette journée-là la plus belle journée de ta vie, là, quand même. Ouais, alors au début du spectacle. À vrai dire, j'étais même pas assis à la bonne place. J'étais assis 3 sièges plus loin parce que mes amis étaient censés venir avec moi et finalement, ils se sont achetés des billets plus près. Alors, je me suis dit, oh, ça n'a pas dû se revendre. Je me suis tassée pour être plus dans le milieu. Finalement, il y a d'autres personnes qui sont arrivées et ils ont dit, c'est pas grave, on va s'asseoir à ta place. Et finalement, curieusement, il y a une madame qui était à côté de moi. Je l'ai entendue parler au téléphone. Elle était au téléphone avec son mari et disait, est-ce que tu viens backstage après le spectacle? Alors, ça a un peu piqué ma curiosité et. Avant le rappel, j'y ai demandé. D'habitude, je suis gênée, mais là, fallait que je le demande. Madame, est-ce que vous avez vraiment des billets backstage? Là, mais comment vous savez ça? Et c'était vraiment drôle, mais finalement, elle a appelé son mari et son mari allait venir, mais pas sa fille. Alors, une passe backstage de surplus. Oh, elle m'a invitée. Mais quelle chance, c'est incroyable. Oh, oui, tellement. Fait que je suis allée rejoindre mes amis qui étaient plus en avant. Je suis allée les voir. Je leur ai dit là, j'ai fait j'ai un billet backstage. Faut que j'y aille. Est-ce que vous allez m'attendre? Là, ils ont dit oui, pas de trouble. Fait que je suis allée backstage avec la femme Dominique et son mari Brian. Et finalement, c'est que la femme, elle a un fils et son fils se tient avec Sarah. Ah. Et ils connaissent très bien Sarah. Sarah s'en va souper chez eux la semaine prochaine. Ils ont déjà passé Noël ensemble et tout. Alors, je suis allée backstage, j'étais la seule fan, il y avait juste des amis. J'ai rencontré Amy, qui est une de leurs super bonnes amies, puis qui s'occupe de leurs t-shirts et tout. La vente au kiosque. Ouais, c'est ça. Elle s'occupe de tout ça, elle est super tôt en tournée. Donc, j'y ai parlé à elle, j'ai rencontré Chris Walla, qui s'occupe de leurs deux derniers albums, qu'on peut voir dans les DVD. Et j'ai rencontré Tegan and Sarah. je leur ai donné une poignée de main et tout. Puis on a jasé de comment le spectacle avait été, du spectacle de lundi prochain. Que tu vas aller voir aussi. Oui, que je vais voir aussi. Mais là, j'ai pas de passe backstage, mais je vais essayer d'aller où est-ce qu'ils vendent tout leur stock. Je vais aller voir Amy, puis je vais lui demander... Là, Amy, là, cette semaine, j'ai un appareil photo. Est-ce que je pourrais juste prendre photo? Ben, j'avais ni d'appareil photo, ni cellulaire, et ni autographe. C'était un peu gênant, là. Parmi toutes leurs amies, de demander un autographe. Déjà que j'avais un t-shirt Tegan and Sarah, je me suis attaché la veste, j'ai mis un foulard. J'étais beaucoup trop gênée, alors c'est ça. T'es tellement groupie. Ah oui, vraiment, là. Tellement, là. Puis c'est ça. Alors, c'était la plus belle journée de ma vie. J'ai rencontré mes idoles. C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Quand c'est vraiment le groupe que tes idoles depuis très longtemps, c'est vraiment spécial. Elles ont changé ta vie. Ah, mais oui, vraiment, là. Mon prochain tatouage, ça a sûrement rapport avec eux autres, là. Pas leur face. Non, pas leur face, quand même. Mais probablement des paroles de chansons quelconques. Okay. Est-ce que t'as une petite idée, déjà? Tu veux pas... je sais pas. J'hésite entre plusieurs chansons. Il y a 19 de l'album The Con qui a changé ma vie. La pièce The Con et la pièce qu'on va vous faire entendre de... The Ocean, du dernier album, qui est excellente. Alors, oh. Voilà. Oh, on va l'écouter tout de suite, cette pièce-là, Ocean. À son la truc. Ensemblage requis, à ton plat favori, ma chronique, depuis 2 semaines. Délicieuse chronique. Oui, absolument. Ben, c'est ça, là, à part de ça, Tegan et Sarah, comment ils sont backstage? Sarah est vraiment sympathique. Ah oui? Ah, ça veut dire que Tegan n'est pas? Non, Tegan aussi est sympathique, mais elle était avec sa blonde, fait qu'elle était un peu à part. C'est plus réservé. Oui, c'est ça. Mais étonnamment, Tegan a parlé beaucoup pendant le spectacle. D'habitude, c'est Sarah qui font des jokes, mais là, Tegan a jasé pas mal. puis c'est ça qui est ça. Alors voilà, c'était mon plat favori cette semaine. T'es pas trompé en leur parlant, là? T'es pas trompé de nom? Je suis bien trop groupie. Moi, je le sais qui est qui quand même. Je sais qui a quelle coupe de cheveux et qui s'habille comment. Elle était bonne. Moi, j'ai des cousines qui sont jumelles, puis je les différencie pas. Oh non, c'est pas gentil, ça. Alors, c'est pas grave, ils écoutent pas. Alors, la semaine prochaine, peut-être... Il y a des gens qui réussissent pas à différencier Kiwan et Mathieu non plus. Effectivement. Ouais, vous ressemblez tellement. C'est ça. Ceux qui nous ont jamais vus. Les aveugles non plus nous replacent pas très bien. Les aveugles, t'as des visages. Bon. Bref. Alors voilà. Alors la semaine prochaine, peut-être que... Peut-être que tu vas nous parler de ton spectacle de lundi à peut-être, Québec. Peut-être, ben, si je leur parle encore. Ben, c'est Tegan et Sarah. Chacune mérite sa chronique là, quand même. Il faut les individualiser. Ça va être comme une série. La série Tegan et Sarah dans ton plat favori. Il va en avoir une par semaine. Ah, ça serait génial. Tu vas aller voir. Ça serait génial. Je pourrais vous donner des nouvelles de Tegan et Sarah à toutes les semaines et faire jouer une chanson. Ce serait fantastique. Vendu. Parfait. Pour ceux que ça intéresse, soit d'aller voir Tegan et Sarah ou d'aller voir quelqu'un de vraiment très groupie, aller voir Tegan et Sarah. C'est, lundi prochain, c'est à l'Impérial de Québec et sur le MySpace de Tegan et Sarah, ça indique qu'il restera encore des billets, mais bon, c'est lundi prochain. Ça se peut. Je pense que c'est sold out, mais ils ont peut-être débloqué des billets comme ils ont fait pour la Place des Arts. Ça se peut. Et aussi, ça vaut vraiment la peine. La première partie aussi est excellente. Je vais en faire jouer tantôt dans mon émission. C'était Anne Horse en première partie, un groupe de l'Australie. C'est très bon, des groupes préférés de Tegan et Sarah. Parfait. Donc, justement, voilà. Ton émission, c'est dans à peu près 10 minutes. Pas mal, oui. Quoi d'autre qui va se passer? Est-ce que tu veux nous teaser? Il y a beaucoup de sorties cette semaine, de sorties CD. Pierre Lapointe, entre autres, avec son EP. Et à part de ça, évidemment, je fais jouer un peu de Tegan et Sarah. Je fais jouer Rara Riot, qui est un groupe que Tegan et Sarah aiment bien, et Anne Horse. Aussi Metric, Portugal the Man, Anna Kramer, un CD que j'ai acheté là, un an et demi, je crois, et que j'ai découvert cette semaine. Parfait. Super, c'est dans quelques minutes à peine à une pêche en mission. Bonne émission à toi. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. Et à la semaine prochaine, les garçons. Oui, bon. Merci. Toujours l'assemblage requis, Kiwan. Oui, nous, on va aller écouter une pièce de Vanessa Pariétar avant de se laisser. On va revenir. On écoute ça, okay. On revient après. Donc, on va écouter la pièce Vanessa Pariétar du groupe Vanessa Pariétar à assemblage requis. Nous, on est groupies de deux autres. Oui, tu vois. Autant que toi avec... Chacun ses ambitions. Quoi? Valles Parietaire, toujours assemblage requis. C'était vraiment un Valles Parietaire. Hein, tu trouves pas? Parietaire. Ouais. C'est pas très joli. Tu t'es dit que peut-être si tu le disais comme ça, ça ferait de toi quelqu'un de plus ambitieux. Et voilà. Parce qu'on sait le mot de la journée, du jour, est ambition. Oui. Pourquoi? Je sais pas. Moi non plus. Mais c'est ça. Donc, c'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui et pour la semaine, pas mal, moi, je dirais. Ben oui, on se retrouve lundi. Bien sûr. D'ici là, il va y avoir d'autres choses assez fous, hein, quand même. Une pêche en mission, celui à 17h. Ensuite, il y a l'aspirant à 18h, Skypunka plus tard en soirée. Et nous, on se retrouve, en fait, demain à 17h pour la rediffusion des Palmarès assez fous. Et puis ensuite, lundi, à 10h, il y a Salif.zip avec moi, donc soyez-y. Et à 15h, assemblage requis. Les Palmarès assez fous qui vont être mixtes demain, ça va être drôle, hein, pour ceux qui vont écouter... L'émission au complet demain. Ça va être moi en premier pendant 2 heures et toi pendant 2 heures ensuite. Sans aucune allusion au fait qu'il y a un changement d'animateur. Non, ça va être très, très bien. C'est sur 2 jours différents, donc pour nous, on ne le mentionne pas. Mais les vendredis soirs, ouais, j'avoue que c'est bizarre. Voilà. Bonne fin de semaine, Mathieu. Ah, Scott, j'essaye vraiment de faire des malaises. Là. Faire durer le malaise? Ben oui, un peu. T'as pas envie de le non, soir? Mais, non, là, ça marche pas parce que c'est trop provoqué. Là. Ouais. Quand on essaie de faire des malaises, un peu comme l'humour, ça marche pas vraiment. Ouais. Ah, on s'est rendu à la fin du thème. Ouais. Mais on entend vraiment tes CD. Rapproche ton micro. Brasse des CD. Ouais. Je sais pas de quoi tu parles. Ça finit vraiment bien une semaine, je trouve. Tu veux? C'est quand même un beau malaise, je trouve. Moi, je me suis forcé au moins pour faire un beau malaise. Ouais, puis on a parlé quand même un petit peu pas mal tout le long, fait que ça rend la chose moins pire. Et quelle heure? Parce que là, on dépasse encore. Ouais, on est en train de prendre du temps. Faut céder l'antenne. Aux nouvelles nationales. C'est ça. Non, ils viennent récupérer l'antenne. On l'avait juste emprunté pour l'émission. Donc, on va la libérer. On libère les ondes. Libérer le trésor. Et on se laisse avec mon piano de Orange trésor, Orange. Libérer. Je pense que c'était notre pire émission à vie, Mathieu. Oui. Mon piano, Orange Orange. Moi, je l'adore, Alain. Vraiment. L'émission. En balado, là. Il faut pouvoir comme juste écouter juste les mauvais moments. Sur l'étiquette, ton nom, figure pas, figure-toi, ah. Et sur l'étiquette, ton pays, figure presque pas, figure-toi, ah. Et sur l'étiquette, bon sang, je respecte tes lois, et ton sang respecte les lois de l'étiquette, de mon étiquette. Ouh.